Loin des jaloux, c'est ça le but. Y'a pas de fit avec des sales putes. Ça serait quoi les manguettes sans la pyramide, sans le sud et sans le shit. Parce que à ça en quart d'heure. C'est dangereux, tu crois tes droits t'es perdu en bosse dur. Je suis certifié sur Insta, mais non ça change pas ma vie. J'ai des problèmes de sous, personne qui tend la mano. Rêve tous de Miami, ou juste de s'en aller. Grosse frappe Pierre Adriano, tu danses coupé décalé. Y'a du bon zèle de détail, tout l'hiver c'est la Zupri. Y'a pas la taille pour les ratus, t'as compris. Deux roues sur un compète, trois sur un petit Belgi. Sous votre cabelle ou gars, j'articule plus comme un junkie. Faut partir très loin d'ici, même sans argent c'est pas mal. À personne sera pas mille, mais on s'est mis c'est ma ville. On se balade pas tout normal, un peu partout j'ai amis. Sourire aux lèvres, on se voit, si je le vais c'est la famille. Si je le vais c'est la famille. Trahis-nous une fois sur toi, ça sera une croix pour la vie. On fait pas Miami. Ils viennent de là les ennuis. Tu veux mon avis. Ils sont bizarres tes potos. Moi je lis pas l'avenir mais ça va fumer en moto. Très loin sur une île, vers Mexico. On n'est pas pareil, ils tiennent pas leur bouche au comico. Certains font les restocks, quand d'autres jouent les gangsters. Je manie les mots mais moi péloché comme terre. Cache bien tout elle camtar, fume lui sa mère en 4 bars. La pyramide c'est de la raclure et même si toi t'as le cancer. Dans un cercle très vicieux, la pression de devenir bizarre. C'est vénitieux, c'est pas la vie d'Ibiza. On se dit salam en bisous. Y'a des inédits zizou. Y'a des pelots qui ont le talent mais qui vont pas réviser. Tant qu'elle est sous sa cantine, hamdoullah ça c'est pas mal. Bosser pour riche un peu qui t'a pensé comme barman. Pas finir comme Pernel, merci pour tous ces rappels. Prends la nuit pour réfléchir, Charles je réponds à l'Aden. Faut changer nos vies. Personne qui follow me. Juger sur nos faits. Plus d'épreuves à la vie. Tu veux mon avis. Ils sont bizarres tes potos. Moi je lis pas l'avenir mais ça va te fumer en moto. Très loin sur une île, vers mes...